Que parlez-vous de poser ? Demanda-t-elle sans paraître avoir reçu en plein cœur cette explosion si rageusement attendue. Le père Crevel m'achète un exemplaire de votre groupe 1000 écus. 1000 écus, lui, un groupe ? Oui, si vous voulez poser en Dalila, dit Steinbock. Il n'y sera pas, je l'espère, reprit-elle. Le groupe vaudrait alors plus que sa fortune, car Dalila doit être un peu décolletée. De même que Crevel se mettait en position, toutes les femmes ont une attitude victorieuse, une pose étudiée, où elles se font irrésistiblement admirer. On en voit qui, dans les salons, passent leur vie à regarder la dentelle de leur chemisette et à remettre en place les épaulettes de leur robe, ou bien à faire jouer les brillants de leurs prunelles en contemplant les corniches. Madame Marneff, elle, ne triomphait pas en face comme toutes les autres. Elle se retourna brusquement pour aller à la table à thé retrouver Lisbeth. Ce mouvement de danseuse, agitant sa robe, par lequel elle avait conquis Hulot, fascina Steinbock.